a 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. Sejam muito bem-vindos a mais um 100% francês. Express ET é, portanto, mais um fim de semana do 100% francês, dedicado a apenas um género musical. E desta vez, um género muitíssimo apreciado em França. Talvez não tão familiar em Portugal, é conhecido pelo estilo Kits, que adiciona uma boa dose de humor à música, seja humor negro, pelo exagero, pela irracionalidade, falta de sentido ou mesmo pelo próprio ritmo imprimido à música. Descubra ao longo da próxima hora, neste 100% francês, Express ET Kits. 100% francês, Express ET Kits. Les Négresses Vertes, Mambo Show. 1994. Quand je suis contre toi, tout aussi chaud que moi, tout aussi chaud que moi. Francês, Express ET. Kits. Caroline Noeb, C'est la Watt. 1986.

se saouler, attendre le jugement dernier, transplanter là-haut dans le ciel. Il paraît que c'est pas pareil, il paraît que la vie n'est jamais aussi belle que dans tes rêves, que dans tes rêves. Ce ne fait rien, ne partons pas fâchés, ce n'en vaut pas la peine. Pareil que les petits moineaux, à 100% francês, Express ET. Kits. L'Affaire Louis Trio, Chic Planète. 1987. À 100% francês, Express ET. Kits. Les Rita Mitsuko, Yadla N. 1993.

100% francês, Express CT. Kits. Eli Medeiros. Toi, mon toi. 1986. Toi, mon tout, mon roi. Toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon tout, mon roi. fr.blogspot.com 100% francês Express CT. Uma seleção de Ricardo de Matos. 100% francês Express CT. Kits. Jane Birkin. Lagadou. 1996. Essuie-glace et rentrons à Paris. Paris, ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou. Abominable. Heureusement tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou. Ouh, l'Agadou, l'Agadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou. Ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou. Cent francês, Express CT. Kits. Lily Cube, l'été arrive. 1998. L'été arrive, et de la rive, on voit les barques à la dérive. L'après-midi, et puis après tout, tout est permis au mois de mai. Barbe à papa, cheveux au vent. Les filles aiment ça et leurs amants. Ça les fait rire, et quand ils rament, ils en transpirent des kilogrammes. Tout le monde a l'air sympathique. A priori, tout le monde s'applique. Des fleurs fanées qui s'ingénient comme des nuages à me cacher cet ingénieux de toute beauté sur mon passage. Elle n'a rien vu, des bons à rien, des mal appris, du sac à main, des saboteurs, du petit bonheur, des jours fériés. L'après-midi touche à sa fin. Tombe la pluie qui tombe. Des gentlemen, car à la main, fume cigare avec des dames. Bien à l'abri dans sa cabane, le gardien ricane dans son coin. Il a tout vu, la comédie des jours fériés. S'applique à être heureux, à rester quitte.

Certains soirs ça vous surprend, ils ne vous reconnaissent pas. Ils ont le cœur bien trop grand pour vous serrer dans les bras. Quand ils n'ont rien à donner, c'est qu'ils ont déjà tout pris. Ils n'ont plus rien à prouver et ils sont déjà partis. Mais bon Dieu, j'aurais mieux fait d'aller fouetter mon chat. Me voilà satisfait, je suis l'ombre de moi. Imbécile, j'ai rien compris et leurs couteaux s'aiguisent. J'espérais à tout prix échanger ma chemise. Les nouveaux amis n'ont pas d'amis. Mes nouveaux amis n'ont pas d'amis. Ils sont sereins de pensée comme des rouleaux compresseurs. Je deviens tout ramassé, quelqu'un m'a demandé l'heure. J'ai bousillé le parquet avec mes chaussures pourries. Servi le karaoké à tous ceux du Rotary. Quel idiot, j'étais bien mieux dans mon lit à deux places. Je deviens injurieux, saloperie de pétasse. J'aurais mieux fait de courir dans un chemin d'ortie au lieu de m'endormir dans l'aube du taxi. Mes nouveaux amis. Francis, Express ET. Kits. Le Club, en fait d'hiver et rien de plus. 1983. We'll be right back. Break it. Say what?